n'est pas né avec une cuillère en or. Non, non, non, non. On a mis la cagoule. On a mis le survêtement. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Ça va mon pote, on sait c'est qui prend, à combien tu la touches. Le terrain vient d'ouvrir, on sait très bien qui va push. Tu vas le belvédère, posé dans le golf 7R. En jazz 31 jazz, gros, si tu veux des affaires. Moi je suis dans les classes du bâtiment, je chauffe le couteau pour détailler le bédo. Gros j'en ai marre d'aller chez la nourrice, un prof à eux par tête, tu as un kill, ça fait trop. La vérité j'en ai marre de tout ça, mais moi ma daronne elle se lève à 6h. C'est dans la nuit que j'enfile la cagoule, je vais me servir chez les gens comme au resto du cœur. Ouais j'ai les crocs, mentalité guérie. On attend le go. L'ange de la mort, trop la crapaud. Une enquête en cours, au comico. Putain c'est Maya, Toshiro Kabeto. Putain sa mère, là y'a Kamaka béton. Putain sa mère, là y'a Redzi Kabeto. En fait quand j'y pense, y'a tout le quartier Kabeto. Comportement violent, j'emmerde la police. Dans mon conseil, on est tous impolis. Y'a des bécanes, on vend du shit. La délinquance, c'est pas qu'un Napoli. Faut que je me barre au deblé vers Moroni. Personne peut me localiser sur mon île. De toute façon, on pas tout ça dire. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Bah ouais mon pote, on sait c'est qui prend. À combien tu la touches. Le terrain vient d'ouvrir. On sait très bien qui va push. Tu vas le belvédère. Posé dans le golf 7R. En jazz 31 jazz, gros. Si tu veux de procédure, je suis sorti d'affaires. Mon gars va taffer, si tu bicras va perdre. J'ai mis les crampons sous les caméras, je passe pas à la télé. Mais je suis sur le R. Sans la dalle, c'est vrai, y'a personne qui mange. Eh, chez nous y'a tout le monde qui rage. Tous les soirs, je me dis faut que je me range. J'ai vendu la foudre même quand y'avait l'orage. Le haram sapé, c'est ce que me dit l'ange de gauche. Donc avant de sortir, moi j'ai mis la capuche. Il faut des balles, il faut des dollars. Tourner dans la ville pour faire marcher la puce. Si t'es un pointeur, on va te niquer ta mère. Si t'es un violeur, on va te niquer ta mère. Si t'as couru quand y'avait embrouille, t'es une poucave, on va te niquer ta mère. Comportement violent, j'emmerde la police. Dans mon conseil, on est tous impolis. Y'a des bécanes, on vend du shit. La délinquance, c'est pas qu'à Napoli. Faut que je me barre au deblé vers Moroni. Personne peut me localiser sur mon île. De toute façon, on pas tout ça dire. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. On a vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Vendu par nécessité. Ça va mon pote, on sait c'est qui prend. À combien tu la touches. Le terrain vient d'ouvrir. On sait très bien qui va push. Tu vas le belvédère. Posé dans le golf 7R. En jazz 31 jazz, gros, si tu veux des affaires.